Mais on avait quand même pris le numéro avec l'enfant, on a appelé et tout, on était jeudi. Vendredi, jeudi, j'ai d'abord négligé au sorti de la vision. Vendredi, rien. Et samedi matin, il a dit non, appelle. Pose-lui juste la question si elle a des enfants qui sont venus les vacances chez elle. Mmh. Et c'est comme ça, comment j'appelle, elle répond, elle me dit, je dis, est-ce que tu as des enfants? C'est après l'enterrement. Après l'enterrement, oui. On avait déjà même enterré les poux, une semaine après. Mmh. Et elle me dit, oui, j'ai deux petits garçons qui sont venus. Et tu as vu ça dans le J'ai vu deux petits garçons qui sont venus pour les vacances chez moi. Mmh. Et comme ça, tout de suite, mon mari me dit, entre dans la chambre, mets la robe. Mmh. Et on avait un peu d'argent, il dit, prends. Temps. Mm-hmm. On a pris un montant, bon, je m'excuse de dire ici, mm-hmm. de 50 000, on mm-hmm. a mis dans l'enveloppe. Mm-hmm. Et c'est comme ça, on l'a rappelé après les marches d'escalier chez nous et on lui a dit, mais vous habitez où? Elle nous dit, non, on habite au village Bakota. Oui. Et on est venu, on a pris les clans d'eau selon l'orientation. Oui. Et lorsqu'on arrive, on est assise, elle commence à pleurer, nous sommes là, je suis assise à côté d'elle, je suis là et tout. Mm. Et. Elle me dit, ah vraiment, je suis embêtée. Je lui dis, où sont les enfants qui sont venus pour les vacances? Elle me dit, ce sont les deux petits garçons qui sont là. Mmh. Mais en fait, les personnes qui doivent les amener, il y a deux autres aussi qui mmh. doivent partir avec eux. Oui. Mais ceux-là, leurs billets sont payés. Oui. Mais les billets des deux petits qui sont venus chez moi, elle a commencé à pleurer parce que son mari n'était pas là, je ne mmh. lui ai rien dit. Mmh. Et puis elle me dit, jeudi à 15h, elle me donne au même moment où je vais me reposer. Mmh. Elle dit, tu vois l'arbre qui est là-bas. Mmh. Je dis oui. Elle dit, je suis allée là-bas, debout. Mmh. Et j'ai pleuré à cause de l'absence de mon époux. Mmh. Vraiment, c'était compliqué pour mmh. moi. Et quand j'ai pleuré, j'ai cité le nom de Monsieur Afouraga et Madame Afouraga. Qui est votre nom? Qui est notre nom? Oui. Et c'est comme ça, mais comme n'ayant pas votre numéro, je ne sais pas comment vous appeler. Je n'ai rien faire. Oui. Et après, sa maman est venue pour lui dire que non, parle là, viens, pourquoi tu peux rester sous l'arbre comme mmh. ça? Donc elle est allée sur l'arbre, elle a parlé à Dieu, dépassé son cœur. Voilà, en fait, elle est. C'est de la manière certainement dont je la voyais soucieuse. Mmh. Et puis, je reviens. Mmh. Et je lui dis, parce que j'ai voulu lui faire le geste en cachette, mais oui. comme il y avait des gens, oui. j'ai dit à Madame Pendy que ce que je veux faire tout de suite, mmh. c'est parce que je ne viens pas ici selon ma propre volonté. Oui. Je viens ici, c'est le Seigneur, vraiment, mmh. selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que à l'heure même, le jour même oui. où tu te mets sous l'arbre, je reçois ça pendant que je me repose. Oui. Et puis, les sœurs qui étaient là étaient saisies. Oui. Je dis, je reçois que tu as un besoin. On me montre que tu as deux enfants oui. qui sont venus chez toi. Oui. Et je l'ai simplement dit que Dieu est le Dieu des veuves. Amen. Et il est le Dieu des orphelins. Amen. Je pense que Dieu a répondu à ma question. Amen. C'est pourquoi je suis venue. Elle dit, j'avais juste besoin de 22 500 Amen. Pour payer les billets des enfants. Amen. Et c'est comme ça que moi j'ai dit que le peu que j'avais dans ma maison, je te l'ai apporté et je lui ai donné. Amen. Et à 15h, 15h30, nous sommes partis de là. Un autre, une semaine après encore, mm. mon époux a sa petite sœur qui a perdu, qui est décédée, mmh. qui a laissé des enfants. Mmh. Une fille qui est élevée par lui, une des autres de sa petite sœur, devant Dieu, devant les hommes, nous sommes là. Oui. Vraiment, je n'ai jamais contribué. Mmh. Je n'ai jamais contribué. Et la fille aussi que nous avons perdue, au même moi-même que M. Pendy, a laissé deux enfants. Oui. Un garçon et une fille. Et je refais une autre vision. Nous sommes à France et Ville. Et je fais monter deux petits-enfants dans le bus et je paye le taxi des deux petits-enfants. Mais la nièce de mon époux là est assise dans le bus. Oui. Et puis elle me regarde, mais elle a la tête baissée comme ça. Mm. Et puis quand je repars, au-dedans même dans la vision, on me dit, mais regarde, tu as payé les billets des deux autres enfants. Pourquoi tu n'as pas payé pour elle? Et puis je sors de la vision. Oui. J'explique à monsieur, entre-temps, on avait déjà notre dîme. Mm. Et dans notre dîme du mois passé, oui. excusez-moi, je préfère donner les précisions parce que vraiment je suis, donne la précision, je suis ma soeur. Dépassée. Oui. J'avais les 100 000 francs mmh. déposés dans l'enveloppe, oui. dans la Bible. Oui. Et je suis allée donner 50 000 mmh. aux deux petits-enfants de ma nièce, oui. la fille est décédée.